Ce récit commence par un râle, un lourd soupir qui s'échappe de la gorge de François Ferdinand, le prince au sang bleu, devant un pont taillé en pierre blanche qui engendre une rivière déjà faible en ce matin orageux du 28 juin 1914. Nous sommes à Sarajevo, la Jérusalem de l'Est, capitale de la Bosnie-Herzégovine, toute petite province du grand empire austro-hongrois. Et l'Europe, ce matin-là, s'est réveillée paisible, assurée d'elle-même. Les empires se croient toujours puissants et le XXe siècle n'a pas vraiment commencé. Ce récit commence au matin du 28 juin 1914, quand Gavrilo Princip, étudiant serbe, membre du mouvement anarchiste et anticlérical de la jeune Bosnie, entre dans la ville, un revolver et des grenades à main en poche, avec seule idée en tête, tuer François Ferdinand, le prétendant au trône et le symbole de cette occupation étrangère des terres slaves. Ce récit commence par le bruit strident des tirs et l'odeur de la poudre, par le sang impérial, les cris et les jurons. Quelques balles tirées à bout portant viennent, par un violent ricochet, d'inviter la grande histoire dans ce petit pays et dans le monde entier. Deux coups de revolver qui redessineront l'Europe, embraseront le monde et inscriront la belle Sarajevo dans la terrible cartographie des horreurs du XXe siècle. Ce récit commence au matin du 28 juin 1914, à 10h10. Devant un pont en pierre blanche, un jeune homme, maigre, mal habillé, les yeux rougis de fatigue, fixe une limousine noire qui avance lentement vers lui au rythme de la parade. Il n'est plus temps de réfléchir. Tout a été décidé depuis longtemps. Le jeune homme tremble. Dans sa poche, il tient un revolver. Son nom est Gavrilo Princip. Et, même s'il ne le soupçonne pas, il s'apprête à le graver dans l'histoire. Certains sont prêts à tout pour figurer un jour dans les grandes pages de la postérité. D'autres, de par leurs actes, y parviennent, sans vraie volonté. Lui se contentera de presser une gâchette de revolver, une simple pression qui suffira à tuer en premier lieu deux personnes, mais qui, en second plan, plongera le monde dans l'une des plus atroces guerres qu'il n'ait jamais connues. Gavrilo Princip, sûr de lui, marche rapidement vers les voitures du défilé. Son souffle est court, ses pas rapides. C'est le moment. Il joue des coudes pour se frayer un chemin parmi la foule. Enfin, il aperçoit le visage de François Ferdinand. Alors, il sort le revolver de sa poche. L'arme le pointe vers la voiture. Puis, il tire. Deux déflagrations retentissantes. Gavrilo Princip, à bout de souffle, assiste posément au drame qui se déroule devant ses yeux. Autour de lui, la foule est en panique, court dans tous les sens, en proie à une peur vorace. Mais lui fixe les deux personnes qui présentent de l'intérêt, celles qu'il vient de tuer, l'archiduc et son épouse, effondrés, couverts de sang. Un râle s'échappe de la bouche de l'homme, un soupir de celle de la femme. Gavrilo Princip est satisfait. Il se détourne, puis court sur les quelques mètres que ses jambes peuvent supporter. Il s'effondre. De la poche de sa veste, il sort une petite capsule blanche qu'il croque. Rapidement, le cyanure s'engouffre dans sa gorge en laissant un horrible goût amer.